Chapitre 13. La cérémonie de la prise du bouclier. Le lendemain, après conseil des guerriers, tenu sous la présidence du sachem, il fut décidé qu'il y aurait prise de bouclier. Un certain nombre d'adolescents s'étant montrés forts et hardis avec les fléchades de la veille, avaient demandé à être reçus au nombre des braves. Les guerriers désignèrent ceux qu'ils jugeaient capables de l'être. Aussitôt, ils se préparèrent à prendre le bouclier. Depuis longtemps, chacun de ces aspirants a préparé la carcasse de son bouclier et mis en réserve les peaux de bison et les sabots nécessaires à cette fabrication de grande importance. Les peaux sont prises sur le cou de l'animal, là où le cuir est le plus épais. Une peau recouvre le bouclier tout entier, une autre est taillée moins grande, et 15 peaux se superposent ainsi. La dernière n'est pas plus large qu'une pièce de 100 sous. Sur la première peau, on étend une couche chaude de colle forte de sabots, et par-dessus la seconde peau, ainsi de suite jusqu'à la quinzaine, avec un glacis superficiel de colle forte bien égalisé, bien lisse, qui amalgame le tout. On conçoit que ce bouclier étant très bombé, les balles glissent sur lui. Les Indiens ornent leur bouclier de plumes d'aigle, et ils y suspendent des ornements très coquets, très originaux, et des sacs médecines, amulettes que leur vendent leurs sorciers. C'est encore une ressemblance avec les sémites de toute race. En réalité, la cérémonie s'appelle le fumage du bouclier. Comme une chasse au bison est, pour les postulants, une occasion de se signaler, les villages voisins savent quel jour cette cérémonie aura lieu, et ils accourent. La foule est nombreuse. Elle est rassemblée autour d'un cercle tracé à terre avec un fer de lance. Chez nous, cette démarcation serait bien vite violée. Rien de pareil chez les Indiens. Point de bousculade, point de poussée. Tout le monde est calme. On parle sans disputer jamais. Toute querelle entraînerait sur le champ un duel mortel. Une violence serait immédiatement punie de mort par la foule. Celle-ci attendait patiemment que les jeunes braves eussent fait leur toilette de guerre. Grosse affaire. Les Indiens passent à se peindre le temps qui s'écoule du lever du soleil à midi. Le postulant brave, qui a longtemps médité sur les dessins et la peinture qu'il adoptera, les dessine et les peint. Toute sa vie, il se peindra de même. C'est à sa peinture qu'on le reconnaîtra dans le sentier de la guerre. C'est à sa peinture que le grand esprit le reconnaîtra après sa mort. C'est à sa peinture qu'admis dans les célestes territoires de chasse, il sera reconnu par ses amis et ses parents, morts avant lui. Aussi, l'Indien est-il désolé s'il se sent mourir sans avoir eu le temps de se peindre. Cependant, chaque aspirant, dans la nuit, avait creusé profondément en terre un foyer. Au fond, du bois sec recouvert de bois vert et de mousse un peu humide. Au-dessus, la première peau de bison, tendue au moyen de chevilles enfoncées dans le sol, autour du foyer très creux. Sur la peau, au centre, un gros tas de colle forte de sabots fondus. À midi, les jeunes gens sortirent des wigwams en chantant. Guerriers et braves les saluèrent en brandissant lances et boucliers. Tous étaient peints et armés en guerre, avec le manteau de cérémonie. Les jeunes gens allumèrent les feux. Alors, braves et guerriers montèrent en cercle, les boucliers se touchant et les lances couchées, formant comme une voûte d'armes. Cela rappelle la voûte d'acier des cérémonies franc-maçonniques. Or, Monteil, arrivant chez les sémites musulmans du lac Tchad, dut passer sous la voûte d'acier formée par les armes couchées au-dessus de sa tête. Encore une preuve que les Indiens sont sémites. Aussitôt commença une danse de guerre qui consistait à tourner en cercle, les boucliers se touchant toujours et les pieds exécutant le pas du sentier de guerre. Les danseurs chantent une évocation à l'esprit du feu. Ils abjurent de rendre les boucliers très durs et sans défaut. Quand les boucliers sont terminés, les guerriers et les braves défilent devant leurs nouveaux camarades et les saluent du tomahawk et des boucliers, salut rendu aussitôt. C'est la fin de la cérémonie militaire. Il ne reste plus qu'à banqueter. J'ai parlé de combats singuliers terminant les querelles. Ils ne sont pas très fréquents, mais dès qu'une injure a été prononcée, ils sont inévitables. Les Sioux ont le point d'honneur très susceptible, et il faut prendre garde de les irriter, car alors ils vous provoquent, et il faut se battre. Cette susceptibilité leur vient d'une pointilleuse vanité. Ils sont en admiration devant leur propre personne. À la vérité, leur corps est bien proportionné, les galbes sont d'harmonieux contours, et les formes sont admirables. Tout Indien pourrait passer pour l'Apollon du Belvédère. Peut-être doivent-ils cette rectitude à leur berceau. La mère le porte droit derrière son dos. Dans cette position verticale, l'enfant tomberait. On le suspend par les bras, les reins et les genoux, et de l'avis de Catelin, cela influe en bien sur la formation du corps. Pour mon compte, je ne le crois pas, et j'attribue la beauté corporelle des Indiens à leur vie en plein air et à leur sport. Toujours est-il que l'Indien se trouve tellement beau qu'il s'estime demi-dieu et qu'il entend qu'on respecte cette demi-divinité. Pourtant, il reconnaît la supériorité du blanc. Mais pas corporellement, les trappeurs exceptés. Mais les blancs lui semblent tous médecins, c'est-à-dire sorciers. Il craint leur science. Les papiers écrits lui semblent, par exemple, choses mystérieuses. Un Indien tourmentera un blanc pour avoir un talisman contre la maladie, et si le blanc lui donne une vieille lettre ou écrit quelque chose sur une feuille blanche, l'Indien la recevra avec respect et la gardera toute sa vie. Mademoiselle de Pelouer, sous peine de désobliger ses amis, dut tailler un roseau sans faire une plume et écrire, avec l'encre fournie par une baignoire, des talismans sur des peaux d'agneau. Mais que d'heureux elle fit !